الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرار به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، عباد الله، نتذكر في هذا اليوم المبارك بحمد الله جل وعلا آيات من كتاب الله، بل سورة عظيمة أو عظيمة التي قال الله جل وعلا في هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال المفسرون في تفسير هذه الآيات العظيمة، يقول تعالى موبخا عباده عن اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له، ومغرفته والإنابة إليه، وتقديم محبته على كل شيء: ألهاكم، ألهاكم عن ذلك المذكور التكاثر. لم يذكر المتكاثر به ليشمل ذلك كل ما يتكاثر به المتكاثرون ويفتخر به المفتخرون من التكاثر في الأموال والأولاد والأنصار والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصد منه متكاثر أو مكاثرة كل واحد للآخر، وليس المقصود به الإخلاص لله تعالى. فاستمرت غفلتكم ولهوتكم وتشاغلكم حتى زرتم المقابر، فانكشف لكم حينئذ الغطاء، ولكن بعدما تعذر عليكم استئنافه، ودل قوله حتى زرتم المقابر أن البرزخ دار مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية، لأن الله جل وعلا سماهم زائرين ولم يسميهم مقيمين، فدل ذلك على البحث والجزاء بالأعمال في دار باقية غير فانية. ولهذا توعدهم بقوله الله سبحانه وتعالى، توعدهم بقوله: كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون ما أمامكم علما يصيل إلى القلوب لما ألهاكم التكاثر ولبدرتم إلى الأعمال الصالحة، ولكن عدم العلم الحقيقي صيركم إلى ما ترون. لترون الجحيم التي أعدها الله جل وعلا للكافرين، ثم لترونها عين اليقين، أي رؤية بصرية، كما قال جل وعلا: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ثم قال جل وعلا: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الذي تنعمتم به في دار الدنيا، هل قمتم بشكره وأديتم حق الله فيه، ولم تستعينوا به على معصية الله جل وعلا، فينعمكم نعيما أعلى منه وأفضل، أم لم تقوموا بشكره عز وجل فيعاقبكم على ذلك. أقول ما تسمعون، واستغفر الله لي ولكم لكل ذنب فاستغفروا إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، chers croyants, chers croyantes, dans le dernier serment, on avait parlé de l'importance de comprendre la parole de notre Créateur selon le voulu de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, il n'y a pas un meilleur rappel pour se faire le rappel et se rappeler l'au-delà et se rappeler l'adoration importante qu'on doit à notre Créateur que de chercher ce rappel dans le livre et la parole de notre Créateur. Pour cela, à travers ces minutes bien comptées, j'ai choisi un passage dans le Coran, une sourate immense dont la majorité des savants considèrent que c'est une sourate qui est makkiya, qui était révélée pendant la période mécoise. Dans cette sourate immense qui est nommée sourate At-Takathur, c'est la sourate disant la course à l'abondance, la course à l'abondance. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, dans une traduction approximative du sens de ces versets, nous dit: le désir de surpasser vos semblables vous distrait jusqu'à ce que vous allez visiter les tombes. Il ne doit pas en être ainsi, et vous connaîtrez et vous le saurez. Et une fois encore, vous le saurez. En vérité, si vous saviez de science certaine ce qui vous attend, par Allah, vous verrez la fournaise. Une fois encore, par Allah, vous la verrez avec l'œil de la certitude. Puis en ce jour, on vous demandera compte des bienfaits qui vous ont été accordés. En une traduction approximative de cette sourate immense, la sourate 102, elle comporte 108, oh pardon, la sourate 102 qui comporte 8 versets. Et donc, dans cette sourate immense, et comme nous enseignent les savants, l'enseignant, il doit réussir à trouver le juste milieu dans l'espérance en la miséricorde d'Allah, de rappeler aux gens l'espérance en la miséricorde d'Allah, mais aussi de parler de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et troisièmement du troisième pilier de l'adoration, l'amour du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et tout enseignant, que ce soit dans sa demeure, dans sa maison, avec ses proches, avec ses enfants, avec son épouse, à son travail, dans sa vie professionnelle, ou l'imam à la mosquée, ou l'enseignant à l'école, il doit trouver le juste milieu, il doit enseigner avec espérance en la miséricorde d'Allah, mais aussi en traitant aussi l'aspect de la crainte du Créateur pour ne pas lui désobéir et parler de sa punition. Mais aussi, troisième pilier de l'adoration, d'appeler à l'amour, de bien réfléchir sur l'amour qu'on doit à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour être très bref et concis, Allah jalla wa ala nous dit « Al-haakum al-takathur » La course à l'abondance vous a distrait. Vous êtes distrait. C'est-à-dire que les gens se rivalisent dans l'obtention de biens d'ici-bas. Et ils en oublient l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait un rappel. Et c'est ça, la situation de l'être humain. S'il n'a pas le rappel, il va sombrer dans la distraction et la souciance. Et de ce fait, les êtres humains vont se rivaliser dans l'obtention des biens d'ici-bas. Et là, les savants nous disent que c'est général. L'obtention de l'argent, des biens, des enfants, du rang, auprès des gens, de la notoriété. Il y a une généralité. Les gens, lorsqu'ils sombrent dans l'insouciance et la distraction, ils vont se rivaliser. Ça va être une course. Ça va être une rivalité pour l'obtention de ces biens d'ici-bas. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Les êtres humains vont vivre dans cette distraction et l'être, il va courir vers l'abondance. Allah Jalla wa Ala dit « Hatta zurtumul maqabir » Jusqu'à ce que vous allez visiter les tombes. Jusqu'à ce que votre délai va arriver, vous serez enfui et enterré dans votre tombe. Jusque-là, celui qui vit dans la distraction va se concurrencer avec les autres pour l'obtention des biens de cette vie d'ici-bas. Et ça sera démesuré. Et Allah Jalla wa'ala nous fait un rappel. Et cela jusqu'à ce que les gens visiteront les tombes. Et Allah nous dit « Kalla saufa ta'lamoun » Et certes vous serez « Thumma kalla saufa ta'lamoun » Et notre créateur nous rappelle cela dans le verset. Et certainement ensuite vous serez le jour où Allah Jalla wa'ala nous dit « Lorsque vous verrez cela de vos propres œil » Comme Allah dit « Thumma kalla saufa ta'lamoun » Kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin. Vous allez connaître cela et reconnaître cela par la science de la certitude, jusqu'à ce que l'homme ensuite le verra de ses propres yeux lorsqu'il sera enterré dans sa tombe. Et là on voit que les savants font une portée d'attention. Allah dit hatta zurtumul al-maqabir, jusqu'à ce que vous allez visiter les tombes. Et là, on comprend que la tombe, ce n'est pas la demeure éternelle, comme certains pensent, mais la tombe est un passage. C'est une demeure intermédiaire. Celle qui est éternelle, c'est la demeure de l'au-delà. Pour cela, il n'est pas dit « jusqu'à ce que vous allez résider dans vos tombes », mais il est dit dans le verset « hatta zurtumul maqabir » jusqu'à ce que vous allez visiter les tombes. Pourquoi ? Parce que c'est un passage, c'est une demeure intermédiaire jusqu'à ce qu'il y aura la résurrection de l'homme et tous les hommes seront rassemblés. Pour terminer, écoutez bien ce que nous dit notre créateur subhanahu wa ta'ala. Il nous dit « Kalla saufa ta'lamoun »« Thumma kalla saufa ta'lamoun »« Kalla law ta'lamoun ilma al-yaqin » لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمُ Lorsque vous verrez l'enfer, la fournaise. Et Allah nous dit ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ Et vous le verrez avec l'œil de la certitude. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de deux certitudes. La science de la certitude. عِلْمُ الْيَقِينَ Et il a parlé de عَيْنُ الْيَقِينَ L'œil de la certitude. Les gens verront cela. Et donc, ils auront une certitude. Et Allah nous dit, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Et ce jour-là, vous serez interrogés au sujet des bienfaits, tous les bienfaits. Jusqu'à ce que les savants nous disent que les serviteurs seront interrogés sur tous les bienfaits. Ne serait-ce que l'ombre, cette ombre-là, sous laquelle vous êtes abrité parfois, en forte chaleur. Ne serait-ce la date, une date. Ne serait-ce l'eau fraîche. Sur tout cela, on sera interrogé. Allah Azza wa Jal nous demandera, est-ce qu'on a utilisé cela dans l'obéissance à notre Créateur? Est-ce qu'on a été reconnaissant? Est-ce qu'on a été des serviteurs reconnaissants, remerciant notre Créateur, reconnaissant les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien on était des serviteurs ingrats? Allah nous dit dans ce verset qu'on sera interrogé ce jour-là sur tous les bienfaits dont on a été comblés et dont il nous a octroyés. Laisse Allah Jalla wa ala yamqalib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika min an-nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfat 'ain. اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح شبابنا وأصلح بناتنا وأصلح نساءنا وأصلح أمتنا أو اللهم أصلح أمتنا وأحوال أمتنا وأئمتنا يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا وشفاء صدورنا وذهاب غمومنا وهمومنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم